Le sourire au pied de l'échelle, Henri Miller, séquence 4. Puis un jour, Antoine, le clown, tomba malade. Auguste, assis devant une des roulottes, raccommodait un vieux pantalon quand il apprit la nouvelle. Il marmonna quelques mots de sympathie et poursuivit son raccommodage. Il comprit aussitôt, cela va de soi, les conséquences qu'aurait pour lui cet événement inattendu. On va lui demander de remplacer Antoine, sans aucun doute. Il fit de son mieux pour réprimer la violente émotion qu'il sentait monter en lui. Il aurait voulu réfléchir calmement à tête reposée, et la réponse qu'il donnerait le moment venu. Mais longtemps, il attendit que quelqu'un revînt le trouver, et personne ne se montra. Lui seul était capable de remplacer Antoine. De cela, il était sûr. Qu'est-ce donc qui retenait les autres? Finalement, il se leva et s'en alla rôder, rien que pour rappeler qu'il était là, qu'on pouvait lui poser la question si on en avait envie. Mais personne ne se donna la peine de lier conversation avec lui. Au bout du compte, il résolut de briser lui-même la glace. Pourquoi pas, après tout? Quelle raison de ne pas offrir ses services? Ne se sentait-il pas plein de force et de courage, débordant de bonne volonté envers tout un chacun? Refaire le clown, ce n'était rien, rien du tout. Il pouvait tout aussi bien faire la table, la chaise, l'échelle au besoin. Il ne réclamait pas de privilèges spéciaux, il était l'un de ces gens prêts à partager leurs ennuis, leur malchance. Écoutez, dit-il au patron quand il l'eut finalement attrapé dans un coin. « Je suis prêt, tout prêt à prendre la place d'Antoine ce soir. » « C'est-à-dire, ajouta-t-il après une seconde hésitation, si vous n'avez personne d'autre en vue, bien sûr. »« Non, Auguste, vous êtes le seul, vous le savez bien. »« C'est très chic de votre part. »« Mais quoi ?» coupa sèchement Auguste. « Vous avez peut-être peur que je ne sois plus capable de m'en tirer ?» Non, ce n'est pas ça. Non, non, ce serait un grand honneur pour nous. Alors quoi? Insista Auguste, tremblant presque d'appréhension, car il comprenait à présent que c'était une question de tact et de délicatesse. Eh bien, en gros, voilà, dit le patron avec cette lenteur et sa gaucherie habituelle. Voyez-vous, on en a parlé entre nous, on sait ce qu'il en est. Alors vous comprenez, si vous veniez à remplacer Antoine... Oh, et puis merde, qu'est-ce que je raconte? Allons, ne restez pas là, me regardez comme ça, écoutez-moi, Auguste. Ce que je veux vous dire, c'est que... Oh, c'est assez simple. Voyez-vous, il y a de vieilles blessures qu'on n'aimerait pas rouvrir, vous comprenez? Auguste sentait ses larmes se bousculer pour sortir. Il saisit les deux grosses mains du patron, les tint doucement dans les siennes, et sans ouvrir la bouche, laissa ruisseler sa gratitude. « Permettez-moi de faire ce remplacement ce soir, supplia-t-il. Je suis votre homme aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Une semaine, un mois, 6 mois, cela me ferait plaisir, je vous jure. Vous n'allez pas refuser, dites. » Quelques heures plus tard, Auguste était assis devant le miroir et étudiait son visage. C'était son habitude autrefois, chaque soir, avant de se grimer, de prendre un siège et de se contempler ainsi un long moment. C'était sa façon de se préparer à son numéro. Ainsi, il dévisageait sa triste figure et puis, soudain, se mettait à effacer cette image sous une neuve. Celle qui était connue de tous, adoptée de tous comme personnifiant Auguste. Le vrai Auguste... En fait, personne ne le connaissait, pas même ses amis, car la célébrité avait fait de lui un solitaire. Donc, assis, envahi par les souvenirs de milliers de nuits semblables face au miroir, Auguste en vint à comprendre que cette vie à part, cette vie jalousement gardée comme sa propriété exclusive, cette existence secrète qui était censée sauvegarder son identité, en fait, cette vie n'était absolument pas une vie, était... Zéro, pas même l'ombre d'une vie. Il n'avait commencer à vivre que du jour où il s'était joint à cette troupe, dès lors qu'il s'était mis à servir comme le plus humble des humbles. Et cette vie secrète s'était évaporée presque sans qu'il s'en aperçût. Il était redevenu un homme comme tant d'autres, s'acquittant des mêmes absurdités, des mêmes inutilités, des mêmes nécessités que les autres, et il avait connu le bonheur ainsi et la plénitude des jours. Mais ce soir, il allait paraître non comme Auguste, le clown de renommée mondiale, mais comme Antoine, dont personne n'avait jamais entendu parler. Parce qu'il n'avait pas plus de nom que de renom, Antoine, tous les soirs, était accepté comme allant de soi. Nulle frénésie d'applaudissements n'accompagnait sa sortie de piste. Les gens se contentaient de sourire avec indulgence, ne manifestant pas plus d'admiration pour son art que pour les tours de force stupéfiants des phoques. Auguste était là quand une inquiétude soudaine vint pulvériser sa rêverie. Jusqu'alors, c'était cette vie privée et vide qu'il s'était appliqué de toutes ses forces à défendre contre l'œil indiscret du public. Mais, et si ce soir on venait à le reconnaître, à reconnaître le clown Auguste ? Waouh, quelle catastrophe ! Cela recommencerait, il n'aurait plus un brin de paix, on le pourchasserait de ville en ville, on le presserait d'expliquer son étrange conduite. Les importuns insisteraient pour qu'il reprenne sa place, normalement, dans le monde des vedettes. Confusément, il sentait qu'on irait même peut-être jusqu'à l'accuser du meurtre d'Auguste. Auguste qui était devenu une idole, qui appartenait au monde. Dieu seul savait. On n'en finirait plus de le harceler.